sorti kayas peni plat pou mancho. Sa y pa ni la jan ke rete an dalo. Men touve mwayen pou organize yo. Moun a san cho. Les premiers rivets, c'était ce que yo. Fais souper tout ça.